Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière édition de ce 2 décembre et en voici les grandes articulations. 5 personnes ont déjà été arrêtées dans la tentative d'assassinat de Willy Nyamitwe, conseiller principal en communication à la présidence du Burundi. Parmi les 5 figures, 3 officiers de l'armée nationale, vous l'entendrez en début du journal. Le médiateur dans la crise burundaise, Benjamin Mkapa, l'ancien président tanzanien, compte visiter le Burundi dans le but de poursuivre le dialogue. C'est du moins dans le contenu d'un communiqué sorti ce jeudi. Et quelques maladies comme la peste porcine handicapent toujours la santé animale au Burundi. Ceci a été dit ce vendredi par Serge Nkurunziza, directeur général de l'élevage au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Vous l'entendrez également dans ce journal. Nous parlerons également qu'environ 120 hectares de champs de maïs ont déjà été détruits par des chenilles foreuses dans la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage en province Lomongue. Et le directeur provincial de ce secteur informe qu'une demande des produits phytosanitaires contre ces chenilles a déjà été formulée au ministère de tutelle. Vous l'entendrez dans ce journal, mise en onde par Eric Ouimana à la présentation. Mireille Kanyange, bonsoir et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page sécurité pour débuter ce journal. Dans le dossier tentative d'assassinat de Willy Nyamitwe, conseil principal en communication à la présidence de la République du Burundi, c'était dans la soirée de lundi à mardi. 5 personnes sont déjà arrêtées, dont 2 avant l'attaque et 3 autres ont été arrêtées ce jeudi, selon le porte-parole de la police nationale. Il s'agit du colonel Jean-Baptiste Miruho, alias Miros, du colonel Nestor Bahati et du capitaine Habonimana Pianguriki. A indiqué à la radio Isanganiro qu'un capitaine dénommé Célestin Iranyibutse a été arrêté en début de cette semaine à Gahahese en zone Gasenyi. Il est accusé, selon toujours le porte-parole de la police nationale, de posséder plus d'effets militaires que la loi ne lui permet. Un autre retraité a par la suite lui aussi été arrêté. Pierre Nkurikiye a indiqué encore une fois que 3 anciens des corps de défense et de sécurité ont été arrêtés le matin de ce vendredi en zone urbaine de Kinindo, en possession des effets de ces corps alors que ce sont des retraités. Il a informé la radio Isanganiro que ces derniers vont être libérés le soir même de ce vendredi. Ces 300 OPC1 Nyandwi Juvenal, du colonel Massage Jonas et du colonel Nshimirimana Gédéon. Je vous le disais en titre, le facilitateur dans le conflit burundais, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, compte visiter le Burundi pour échanger avec le président de la République, avec les autres acteurs dans le conflit burundais sur la poursuite du dialogue. Dans un communiqué sorti par la médiation ce jeudi, le bureau du médiateur indique que la région doit jouer un rôle de premier rang pour la restauration de la paix et la stabilité au Burundi, comme convenu dans le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine de septembre dernier. Joseph Nsabiyabandi nous lit le communiqué. Dans ce communiqué sorti ce jeudi, le bureau du médiateur indiquait que le dialogue inter-burundais extérieur doit se dérouler conformément à la feuille de route décidée au terme d'un sommet des chefs d'État de l'EAC qui s'est tenu à Dar es Salaam le 8 septembre dernier. Cette feuille de route prévoit une série d'activités qui doivent se dérouler entre décembre cette année et juin 2017, lesquelles activités doivent aboutir à un accord. Selon toujours le même communiqué, c'est dans la mise en œuvre de cette feuille de route que le médiateur dans le conflit burundais compte venir prochainement au Burundi pour rencontrer le président de la République et les autres acteurs impliqués dans le conflit burundais. Ceci pour cimenter une série de réunions formelles et informelles entre les acteurs variés au Burundi et à l'extérieur du pays, y compris les acteurs internationaux. Le bureau du médiateur compte aussi continuer avec les consultations avec les chefs d'État de l'EAC, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, l'Union africaine, les Nations unies, aussi bien avec les envoyés spéciaux et des représentations qui appuient le processus. La médiation appelle au même moment toutes les parties impliquées dans le conflit burundais à renoncer à la violence et de donner une chance au dialogue. Joseph Nsabiaban, d'après cette page politique, parlons à présent de la gouvernance. Il n'est pas encore temps que la police ait une autonomie de gestion au moment où il y a encore dans ce secteur des cas de corruption. C'est du moins l'avis de Faustin du président de l'association Parsem. Selon Faustin Ndikoumane, le moment n'est pas encore opportun, d'autant plus qu'il n'y a pas d'organe mis en place pour contrôler la gestion du budget qui serait alloué à ce corps de police. Il le dit après que l'Assemblée nationale ait approuvé ce mercredi le nouveau projet de loi portant organisation, mission et fonctionnement de la police nationale. Suivez Faustin Ndikoumane, président de la Parsem. Pour nous, le plus important, c'est d'abord le renforcement du système de contrôle et de gestion des finances publiques qui a vu un déficit important à notre analyse. Parce que l'exécutif burundais, le pouvoir exécutif jouit d'une liberté exagérée au niveau de la gestion des finances publiques. Or, accorder une autonomie de gestion sur le secteur de la police, nous n'ignorons pas que la police a été toujours épinglée comme l'un des secteurs les plus marqués par la corruption dans notre pays, notamment au niveau des passages de marchés publics, le trafic d'influence, l'enrichissement illicite, les rapports de transparence internationale, les rapports d'enquête interne qui avaient été faits, commandés par la Banque mondiale à la veille de la déclaration de la tolérance zéro par le chef de l'État. Tout cela épingle la police comme l'un des secteurs les plus corrompus dans notre pays. Quand on parle de la corruption, il ne faut pas se limiter sur la petite corruption aperçue par des simples policiers sur la route. Sinon, cet objectif, il faut qu'il crée une valeur ajoutée au niveau de traçabilité, au niveau de la transparence dans la gestion. Sinon, ça peut ne pas créer de la valeur ajoutée, plutôt renforcer un enrichissement d'une certaine poignée d'hommes, soit-disant qu'ils sont maintenant la latitude de gérer dans l'autonomie et les finances publiques. Il faut alors renforcer cette traçabilité, cette transparence de la gestion des finances publiques avant d'accorder l'autonomie de gestion. Parce qu'après tout, c'est l'argent du contribuable. Il faut que cet argent soit géré rationnellement pour créer de la valeur ajoutée. Il faudra voir comment aussi, au niveau de la finances, les prérogatives des autorités policières, les prérogatives qu'elles auront au niveau de la fixation de leur budget, est-ce qu'il faudra l'attitude de fixer le coût de certaines procédures administratives, est-ce que l'élaboration du budget sera dans le cadre de la loi des finances en général, ou bien tout cela, on va voir, mais l'important est de connaître le degré d'autonomie, à quel niveau il est placé. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page éducation de ce journal. Les étudiants de l'Université du Burundi qui battent à mort des gens, dont des voleurs, cela laisse entendre qu'ils sont conduits par la colère. Le professeur d'université Hilaire Naumvuki a dit que ce comportement montre que les professeurs doivent savoir qu'à leur tâche d'enseigner s'ajoute un autre pouvoir de donner chaque fois que de besoin des conseils aux étudiants. Ces derniers doivent contrôler leur colère et il le dit après que ces étudiants de l'université du Burundi aient battu un voleur qui a par la suite succombé à ses blessures et qu'un autre est parti dans un état critique. Suivez le professeur Hilaire Naumvuki. Ces étudiants, ils se sont laissés à une réaction de masse. Une réaction de masse dont la caractéristique fondamentale, c'est la non-contrôlabilité. C'est une action à laquelle participent plusieurs consciences, mais des consciences individualisées, où chacun se retrouve en train de réagir comme ceci, comme cela. Ce qu'on peut dire, pas seulement aux étudiants d'ailleurs, mais à tout le monde, c'est de leur rappeler le conseil de nos ancêtres. La retenue, kwihangana. La retenue est un comportement qui toujours est conséquent d'une remise de soi en question. Se remettre en question, c'est se remettre en face du principe du bien. Dans cette situation, le Burundais ancien quand même dit « ihangane, abazumutima ». La meilleure solution aurait été que les premiers qui ont appréhendé le coupable l'immobilisent, le mettent à la disposition de ses représentants de police afin que les policiers, le lendemain, le mettent sous la responsabilité de leur autorité hiérarchique. C'était une occasion pour nous, les enseignants, donc les éducateurs, de remettre en cause peut-être notre vision du rôle d'enseignant, qui ne doit pas être seulement de livrer la science, d'enseigner à la jeunesse comment faire les recherches, pour que les jeunes apprennent à être comme on a été et pouvoir aider le pays à avancer dans le savoir. Mais le meilleur savoir conduit toujours à une meilleure action sociale. C'est ça qui produit le développement. Le professeur Hilaire Naumvukié, il était au micro d'Alain Désiré Boukeyeneza. Page droits de l'homme, l'association de défense des droits des enfants ProDeb appelle les parents à être plus vigilants pour ne pas donner place à un quelconque trafic. Selon Fabien Hakarutimana, président de cette association, le gouvernement burundais et les pays dans lesquels sont amenés ces Burundais devraient se convenir à des modalités de rapatriement. Suivez à Fabien Hakarutimana, président de la ProDeb. Nous disons que depuis l'avril 2015 jusqu'en octobre 2016, ce sont donc les chiffres recueillis dans la police burundaise. Nous voyons qu'il y a plus de 267 victimes de la traite du trafic humain qui ont été vendues dans les pays du Golfe. Donc le pays du Golfe nous sent directement le pays de l'Oman et de l'Arabie Saoudite. Ces Burundaises ont été donc vendues dans ce sens. Parmi donc ces victimes, seuls ceux qui rescapés ont déjà regagné leur pays natal. Et les autres subissent toujours des mauvais traitements qui sont infligés sur elles-mêmes dans ces pays si hostiles. Avec ça, nous lançons alors un appel à tous les parents en général et de rester vigilants et communicatifs avec leurs enfants car c'est par l'absence de cette communication entre les parents et les enfants qui occasionne aux trafiquants à recruter favorablement donc, nos enfants. Et le deuxième appel est lancé au gouvernement burundais via au ministère des Relations extérieures d'entrer en contact avec les responsables des pays du Golfe afin de les rapatrier dans leur pays natal. Fabien Hakarutimana, président de la ProDeb, réagit alors que le monde célébrait ce vendredi la journée contre l'esclavage. Certains habitants de la zone urbaine de Kamenge au quartier Mirango qui utilisent des robinets publics se plaignent qu'on leur fait payer 50 francs burundais par bidon, voire 100 francs si c'est le soir, alors que le prix connu est de 20 francs burundais. Edouard Nyabenda, chef de quartier Mirango, indique qu'il avait empêché ces gens qui font payer aux habitants un prix non connu et qui va suivre ce problème pour qu'ils reviennent au prix normal de 20 francs burundais le bidon. Gildas Ruberingabo. Ces habitants du quartier Mirango 2 ne comprennent pas comment les autres habitants des autres avenues de ce même quartier paient 20 francs alors qu'on leur fait payer 50 francs. Le problème que nous avons, la régie des eaux avait fixé un prix de 20 francs par bidon, mais aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est que sur certains robinets, on nous impose de payer 50 francs. Il s'agit de deux robinets, l'un se trouve sur la 13e avenue en face de l'église Fekabou, l'autre est situé sur la 11e avenue menant vers l'hôpital communément appelé chez Wuyengero. L'autre problème, il se peut que pendant les heures avancées à 18h ou à 18h30, ils nous font payer 100 francs par bidon. Nyabenda Edouard, le chef de quartier Mirango 2, indique que l'un des responsables d'un de ces deux robinets avait accepté de revoir le prix à 20 francs et qu'il n'était pas au courant que ces responsables continuent de percevoir aux habitants 50 francs. Nous nous sommes rencontrés avec l'un des gérants de ces robinets. Lui aussi, c'est un ancien chef de quartier de Mirango. Je l'ai même appelé au bureau pour qu'il rappelle ses employés de faire payer 20 francs bout par bidon. À ce moment, il a accepté qu'il va le faire, mais jusqu'à présent, je ne savais pas qu'ils avaient recommencé à faire payer 50 francs bout par bidon. Et si c'est vrai, je vais le contacter encore une fois pour que cela ne puisse pas continuer. Ces habitants demandent qu'on leur fait payer un prix connu par la régie des eaux, tandis que le chef de quartier fait appel à celui qui se fera payer un prix dépassant 20 francs de lui en aviser pour qu'il mette au clair ce problème. Page agriculture de ce journal. Quelques maladies comme la peste porcienne handicapent toujours la santé animale au Burundi. Ceci est dit par Serge Nkurunziza, directeur général de l'élevage. Il fait savoir que des imperfections qui caractérisent ce secteur doivent être améliorées pour une meilleure santé animale. L'a déclaré ce vendredi au cours d'un atelier d'élaboration d'un plan stratégique de la santé animale 2017-2020. C'était ce vendredi suivi. Des perfections sont encore à faire pour se conformer avec les autres stratégies des autres pays, surtout dans la communauté est-africaine, en conformité aussi avec l'Organisation internationale de la santé animale, OIE en cycle. Les grands problèmes qui s'observent dans les établissements d'élevage, c'est surtout quelques maladies. Ces maladies à déclaration obligatoire et transfrontalière. Surtout par exemple, si nous observons dans ces derniers jours, si la peste porcine est déclarée dans un millier d'élevages, nous voyons que tous les porcs qui se trouvent là-bas sont décimés. Autre chose qui handicape la santé animale aujourd'hui, c'est que quelques éleveurs ne savent pas comment s'organiser pour appeler les médecins vétérinaires ou les techniciens vétérinaires. D'une façon générale, la santé des animaux est suivie au quotidien par les médecins vétérinaires, mais je dirais qu'au sein de la santé, toujours il y a des améliorations à faire. C'est pour cette raison que nous nous rencontrons pour élaborer d'autres stratégies en conformité avec les organisations internationales afin donc de mener une vie meilleure pour la santé animale des animaux. Serge Nkurunziza, c'est le directeur général de l'élevage, dont les propos ont été recueillis par Alida Ndaikeza. Dernier élément de ce journal, environ 120 hectares de champs de maïs ont déjà été détruits par des chenilles foreuses dans la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage en province Lomongue. Les cultivateurs redoutent déjà la famine au moment où l'insecticide contre ces chenilles manque cruellement. Abel Ndaï Chimier, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Lomongue, informe qu'une demande des produits phytosanitaires contre ces chenilles a déjà été formulée au ministère de tutelle, Jean-Pierre Misago. Dans toutes les 5 communes de la province de Lomongue, des chenilles foreuses font rage dans les champs de maïs, là où il avait pu pousser. Ces chenilles rapportées sur 117 hectares dans cette jeune province du sud-ouest du Burundi, où elles attaquent les feuilles et les tiges des plants de maïs et les anéantissent dans peu de jours, selon Evo Denagijimana, inspecteur phytosanitaire dans la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage de Lomongue. Selon lui, il n'y a pas d'imméthoate dans les stocks de la DPA Lomongue pour éliminer ces chenilles, même si ce produit existe chez les privés. Les cultivateurs qui ne savent plus sur quel pied danser redoutent déjà des conditions de vie dures au moment où le kilo de maïs consommable frôle déjà les 1400 francs burundais sur le marché, une situation à laquelle on n'avait pas assisté ces 30 dernières années, selon certains consommateurs interrogés. Abel Ndaishimiye, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Lomongue, dit que des pucerons noirs de leur côté attaquent le haricot dans les communes de Muhuta et Bugarama et voudraient que le ministère de tutelle, déjà averti de la présence des chenilles foreuses dans Lomongue, intervienne avant qu'il ne soit tard. Entre-temps, il conseille aux cultivateurs de sarcler leurs champs pour limiter la prolifération de ces chenilles des pucerons. Jean-Pierre Misago de Lomongue, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago pour ces détails. Ainsi se referme ce journal, mais je vous en rappelle quelques titres. 5 personnes, dont 3 officiers de l'armée nationale, ont déjà été arrêtées dans le dossier tentative d'assassinat de Willy Nyamitwe, conseiller principal en communication à la présidence du Burundi. Une attaque a eu lieu dans la soirée de lundi à mardi, des informations que donne le porte-parole de la police nationale. Et le facilitateur dans le conflit burundais, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, compte visiter le Burundi pour échanger avec le président de la République, avec les autres acteurs dans le conflit burundais sur la poursuite du dialogue. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré la mise en onde. Une très bonne soirée à tous. Au revoir.